mwen Si se derme ka pale A danse son la sa Yo te kole che a ou Sou kare konen pou A danse an ka di la Se pou mwen pe fè sa Ke pi bel histwa d'amou an mwen se pou Poésie éternelle Amande ou polaye E pa yo kite ou pati Ou file kon zetoile Ou fe mwen flashe Ben si mwen vipe an pa chema Si mwen ki chan ke fe kwa Poesi la eternel Mem si la vi ka pase L'amou toujou ke rete Je te devine